Quand l'ange pour moi un jour paraît, sous forme rien ni coupe net, tout à l'entour en bête couler, pour les minés et le bon éclair, tout vers moi pour un petit garçon, qui pas ni grand conversation, qui te gavre que où était, mais pas sauf qui j'en pour m'en aimer, mi amor, amor, amor, mi amor, amor, amor, mi amor, amor. Yeah.